je t'ai fait. Aujourd'hui je suis désolé. Mais tu sais, personne n'est parfait. Dis-moi, fais-moi un signe de toi. Excuse-moi, je recommence. Là, c'est mieux comme ça, impeccable. Teste ta voix si tu veux. Ouais, c'est bon, hein. Je crois que c'est bon. On repart sur le 1. Je peux bien accorder la guitare. Tu joues sur quel accord ? Capot, deuxième case. En capot, deuxième case, après tu fais un La. Mi mineur. Si. Et Ré. Capot en deuxième, La, Mi mineur, Si, Ré. Allez, je crois qu'en 8 ça va. Thank you. prie la patience. T'es en guitare acoustique là toi aussi? Ah ouais, je suis j'ai une guitare classique, mais je suis pas de genre en accord. Je suis accordé normal, standard. Vas-y, je te suis un peu. Allez, vas-y, je te suis pour la prochaine. Ton son est pas mal. Alors attends, je vais te dire. Moi, ça fait pas mal. Tu vois, t'es à moins 14. Bon. Ouais, moi, je suis à gauche. Sur le tempo. En fait, moi, je mute, j'utilise pas le métronome. En fait, je suis par rapport à. Tu vois, en fait, on choisit le tempo qu'on veut. Enfin, je sais pas si tu connais. Ouais, bah, à peu près, ouais. Mais en fait, je suis. Ouais, alors. Ok. Bah, je vais te mettre un tempo alors. Ok. D'accord? Je te mets un tempo. Je te mets un tempo. Voilà, t'as qu'à suivre la batterie. Et tu fais ce que tu veux. Voilà, l'important c'est d'être calé et comme ça on peut jouer tous ensemble, sinon ça marche pas. C'est un peu rapide par rapport à ce que je voulais faire. Ok. Ah. Alors, ok. Donc, on va changer le métronome. C'est mieux là, merci. Sur ce truc, tu es obligé de suivre le nombre de mesures. Tu vois, par exemple, il y a 16. Ouais. Ok. Ok, alors. Et après, il faut que tu fasses. Il y a 16 mesures, tu vois. Il faut que tu fasses tourner pas plus, parce que sinon, on peut pas. Donc, Do. Alors, attends, tu viens de m'en dire Do. Sol, ensuite c'est un La mineur. La mineur, ouais. Après, faut que tu fasses ton tourner ton truc sur la boucle des 16 mesures, tu vois. Donc do, sol, la, fa, do. Ça fait, en partant, tu vois, on part sur la mesure 1. Bah, do, sol, la, sol, do. D'accord, ok. Alors, je vais te le partir sur le 1. On se cale. Merde, pardon, excuse-moi, je me trompais. Do, on part par un 2. Je commence sur la mesure 1. C'est pas obligé, mais c'est plus simple aussi. Tu vois, quand tu vois le numéro 1, tu joues avec moi. Allez. Ça fait beaucoup d'accord là. Je crois qu'on peut déjà essayer ça là. Non, je me suis trompé en fait. J'ai mal marqué. Attends, je vais déjà, tu peux essayer ce que tu faisais là. Juste ça déjà. Ça doit être calé ça. Do, sol, la, sol. Ça va être bon. En 16 mesures. En fait, faut. Voilà. Alors, si tu rajoutes des accords, il va falloir qu'on rajoute des mesures. Donc. En fait, faut 4 accords, ça suffit. Parce que ça fait. On a 16 mesures. C'est pour ça qu'on peut voter pour changer les mesures. On peut aller jusqu'à 64 mesures, en fait. Donc, si tu rajoutes des accords. Bah, en fait, il faudrait que je fasse combien d'accords? Alors, attends, 4. Tu veux faire? Il y en a 2. On peut commencer par 4. Et après, si tu veux faire ça, on peut le faire, on peut rajouter des mesures. Essaye déjà 4. Ok, je vais voir si ça essaye ça, voilà, ça. Essaye déjà 4. Déjà. En partant. Ça tourne. Ça marche comme ça, ce truc. Comment ça marche, Ninja? Ouais, bah ouais. Mais bon, en fait. C'est un truc, t'es obligé de suivre quand même un tempo parce que sinon ça marche pas. Quoi. Mais en fait, il faut. Même si tu pars pas sur le 1, il faut que ça soit toujours dos, enfin, faut que ça soit ton enchaînement. En fait, j'ai rajouté un sol. Si t'en as un qui fait l'accompagnement, t'en as un qui fait les solos, tu vois. Après, s'il y a une basse qui arrive, la basse qui est dessus. Ouais. Mais ça ne suffit pas trop en fait, si j'enlève, si je fais que 4 accords, il faut un accord en plus. Alors si tu rajoutes un accord, ça fait une mesure de plus. Donc alors... Ok, donc voilà, tu veux faire ça. Tu veux faire ça, c'est ça? Do, sol, la, fa, sol, do, ça? En fait, le do à la fin, c'est ça recommence au début. Faut en rajouter fait. Des mesures, on entend. fait, il y a, cinq accords. En fait, le do de la fin, c'est ça recommence. Ah d'accord, on s'en fout alors. Okay. D'accord. Sinon, j'ai un autre accord. On va essayer un autre accord plus simple. C'est ça que tu veux faire. Do, sol, la, fa, sol, c'est ça? Ok. Sol, la, fa, sol. J'ai compris ce que tu veux faire. Je vais jouer, tu vas me dire si c'est ça. Donc, je pars sur le 1. J'avais pas compris. Tu vas me dire si c'est bon. Do, sol, la, et puis on fait l'enchaînement fa, sol. Ok, j'ai compris. Je crois que c'est ça. Donc ça fait comme ça. Do, sol, la, et fa, et sol, et do, et là ça tourne en boucle, et sol. C'est ça que tu veux faire, hein? Ouais, voilà. Non? Et j'ai aussi la guitare électrique, si tu préfères, je fais la rythmique en acoustique ou en électrique. D'abord, je te fais un autre accord. Tu fais ce que tu veux, mon grand. Tu es libre. Mélanger. Déjà, ce qu'il faut que tu fasses, essaye de de sans te compliquer la vie. Essaye de faire tourner ton truc comme ça. Et moi, je te suis, d'accord? Essaye de pas de rajouter des... L'important, c'est de suivre la batterie. Okay. Tu vois, c'est important. Par exemple, même si on part pas sur la mesure 1, il faut que le truc qui tourne en boucle, on soit carré à peu près, parce que sinon... Tu vois, par exemple, je vais te le refaire ton Do, Sol, La, Fa, Sol. Et t'essayes de tourner. Do. Sol. Ton La. Et Fa. Et Sol. Et je reprends sur le Do. Tu veux un petit conseil? Tu devrais essayer de faire juste ça là, avec moi, pour voir si on est bien carré. Do, Sol, La, Sol. Non, attends, c'était Do, Sol. Do, Sol. Ouais, c'est bon. On essaye de faire Do, Sol, La, Sol, tous les deux. Bien tempo, d'accord? Ok. En partant sur le 1, tu vois, regarde. Là. Do. Sol. La. Et Sol. Et on repart sur le Do. Sol. Je vais enlever mon délai parce que ça doit te perturber le délai. J'ai un délai, je vais l'enlever. Oh, ça va, ça me gêne pas, j'aime bien. Ça doit te perturber ce truc. Moi, j'enlève mon délai. J'aime bien la reverb, le délai. Ouais, je vais mettre un son normal. Et en fait. Voilà, impeccable. Allez, go. Ouais. Ça, s'il y a un bassiste qui arrive, il peut se caler sur nous. En fait, c'est les quatre accords. Un chanteur, n'importe qui. Tout le monde peut se caler après. Au départ. Ouais, mais en fait, il manque un fa. C'est vrai que ça, la mélodie elle est différente de ce que je voulais faire. Il manque un fa en fait. Après le, si tu passes du la mineur à sol sans faire un fa, ça fait bizarre. Ah, tu le remets, tu le mets le fa. Alors avec le fa, c'est comme je fais tout à l'heure. Ouais. C'est moins joli. Bon alors on fait Do, Sol, La, Fa, Sol. Ouais, mais il faut que tu joues deux fois le... Tu passes trop vite les accords. Il faut que tu... Ok, j'ai compris. Donc il manque des mesures. Vas-y, continue, ouais, continue. D'accord, ouais, d'accord. Partir sur le 1, d'accord ? Sur le 1. Je sais pas si je me suis pas trompé dans les mesures, on va voir. Merde, attends, il y a ma batterie qui est pas carrée maintenant. Excuse-moi. Je fais un petit réglage. Attends, il y a ma batterie qui a un problème. J'ai branché la guitare électrique, tu me dis si tu l'entends. Putain, j'arrive pas à caler la batterie. Problème. Excuse-moi, hein. T'en as pas pour longtemps. Mademoiselle, elle est un peu capricieuse. Voilà, là ça doit être bon. J'ai recalé la batterie parce qu'elle était. J'avais changé. Donc alors, tu commences par le Do, hein. Attends, je reviens, je vais prendre la guitare électrique.